Good morning, Batman! Bonjour à toutes et à tous, c'est Highlander et je vais vous parler de mon parcours Amiga. J'ai débuté l'Amiga en 96 par un 1200 version Commodore, acheté d'occasion avec un 1085S et quelques centaines de disquettes. J'y connaissais rien, mais j'ai vite compris que le système s'appelait Warbench, et pour le reste, j'ai fait du grippin intensif. Voici quelques moments forts vécus avec mon Amiga que je souhaitais vous partager pour l'occasion. Il y a eu la première fois que j'ai découvert Octamed, c'était le 2 que j'avais à l'époque sur disquette, et que j'ai chargé mon premier module en me rendant compte que je pouvais pianoter avec mon clavier, que ça faisait des notes, c'était la folie. Entendre des voix digites dans une musique de jeu vidéo, j'adorais ça, il y avait Cannon Fodder et Aladdin qui le proposaient. Le lancement de mes premières démos qui m'ont fait « Waouh, ça tue !» Il y avait Ram Jam, Desert Dream, Nine Fingers. Suivre les tutos d'Amiga Dreams pour animer Picouille et Wistiti sous Deluxe Paint, j'adorais. Me demander quelle était bien la différence entre 320x256 et 640x256 lorsque je créais un dessin. Lancer Breathless sur mon 1200 classique en me disant que ça déchirerait avec une carte accélératrice. Être frustré de ne pas pouvoir jouer à Allure of the Temptress après l'intro animé car ma disquette était foirée. Lancer Theme Park et attendre pour simplement voir l'intro en image de synthèse que je trouvais top. Customiser à mort mon Warbench en poussant tous les potards au max jusqu'à ne plus avoir de RAM en me disant qu'avec plus de matos, je pourrais avoir ce rendu tranquille. Et pour finir, la tête qu'avait mon 1200 avec sa Blizzard Centu 1040 qui dépassait du capot que j'avais dû surélever avec des cales en bois, le disque dur qui était connecté en dehors du boîtier, son lecteur CD et une alim externe en me disant que ça serait bien que j'investisse dans une tour Amiga. Que j'ai eu après, c'était la Tower Infinity, que j'ai toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, j'utilise principalement MorphOS sur un Mac Mini. Je l'ai aussi sur un Pegasus 2 G3, mais il dort à côté de mon Amiga 1200. Je l'utilise principalement pour aller sur Internet, écouter de la musique, tester les programmes des copains, faire du digital painting avec Gribouille et une petite tablette Wacom, un petit peu d'émulation et de la conception de skins. Mon jeu Amiga préféré serait Another World, un jeu français fait par Eric Chahi qui est génial. Il est sur plein de plateformes mais j'ai tout particulièrement apprécié y jouer sur Amiga. Merci Batman pour les podcasts que j'apprécie particulièrement. Au revoir à toutes et à tous. Et pour ceux qui se demanderaient, la musique en fond, c'est Zool 2. Good morning Amiga. Oui, bah oui, après Highlander, c'est compliqué de passer, effectivement. Donc, bah merci à lui déjà pour cette magnifique introduction. Je ne pouvais pas arriver mieux. Bah écoutez, podcast 100, ça y est, on est arrivé. Podcast 101, après plus de 14 années de podcast, enfin un petit peu moins en fait, hein, octobre 2007. Et nous y sommes, 100. Donc pour ce podcast 100, bah écoutez, j'ai demandé à ceux qui font l'Amiga ou qui font de l'Amiga, que j'écoute ou que je regarde ou que je lis, ben écoute, tu leur ai demandé voilà, de faire un petit témoignage, de me dire qu'est-ce qu'ils voulaient comme petite bande sonore par-dessus. Et voilà, j'ai monté tout ça. Donc je vous avoue que j'ai eu beaucoup de retours et ça me fait vraiment très, très plaisir, très chaud au cœur. C'était super, voilà, je peux pas dire plus. Hein. Donc j'ai à peu près 3 gigas de données là, de montage à faire. Donc j'ai essayé de monter ça au mieux. Donc si jamais il y a des petits écarts de volume sonore, veuillez m'en excuser. Donc je vous invite à avoir la main près du niveau sonore. Hein. J'ai fait des petits fade-out à la fin des interviews, enfin des témoignages pour que vous ayez le temps. Hein. De vous dire ah ça va changer, peut-être que je vais perdre une oreille. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, ben, je remercie tout le monde, voilà. Vous allez pouvoir entendre plein de personnes différentes, des personnes que vous avez jamais entendues, des personnes qui restent dans l'ombre des fois, donc ça fait super plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, et bien c'est à peu près tout. Je reprendrai un petit coup la parole en fin de podcast juste pour vous dire qui vous avez entendu, puisque là, après, allez, je vais un peu spoiler, mais après Amidark, vous aurez Astrofra, qui a oublié de se présenter. Donc voilà, vous aurez Astrofra, vous l'aurez peut-être reconnu. Et donc je reprendrai la parole en fin de podcast pour vous dire qui vous avez entendu et quelle était leur musique, ce qu'ils avaient choisi comme musique de fond. Voilà. Et j'essaierai de mettre, je promets rien, de mettre en lien dans la description du podcast et sur Amiga Impact, tous les liens vers les sites qui correspondent à nos amis, quand ils en ont. Voilà. Eh bien écoutez, bonne écoute à tous. C'est le premier podcast de numéro 100, hein, puisque ce numéro 100 va être divisé en plusieurs parties, je pense, parce qu'il y a un petit peu de boulot. Et donc, voici le premier. Il y en aura sûrement un deuxième et sans doute un troisième. Donc, on va essayer d'avoir un petit rythme hebdomadaire, ça me rappellera le bon vieux temps. Donc, voici le premier numéro 100 d'Amiga Impact, numéro 100, le numéro 1. Allez, bonne écoute à tous. Et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Et merci Batman pour ta proposition de participation au 100e podcast, participation que j'accepte avec plaisir. Tu as proposé pour ça une trame sur laquelle je vais m'appuyer et broder autour, on va voir ça. Donc première question, comment ai-je connu ou découvert l'Amiga? Alors en fait, j'ai connu l'Amiga à l'époque du collège, où dès que je pouvais, que je sortais du collège, j'allais à un petit magasin informatique, CBI, où il y avait un Amstrad CPC 6108 et une Master System sur laquelle je jouais. Et un jour, ils ont reçu un Amiga 500 qu'ils ont mis en démonstration. Et là, c'était la première claque. Le premier jeu que j'ai vu tourner, c'était Shadow of the Beast. Magistral. Une bande son en coupé le souffle par rapport à l'Amstrad et la Master System. Il n'y a pas photo, quoi. Merci David Utaker. Et des graphismes aux couleurs et un environnement féerique, quoi. Grâce à Roger Dean, merci. C'est comme ça que j'ai découvert l'Amiga 500 et comme ça que j'ai commencé à aimer cette machine. Voilà. Donc c'est plus tard, lorsque l'Amiga 500 Plus est sorti, que j'ai pu enfin avoir mon premier Amiga à moi. Parce qu'avant, j'avais un ZX81 Laser 200, hérité de ma famille. Donc c'était pas pareil. Donc du coup, j'avais un vrai Amiga 500, pas un 500 Plus. Parce qu'à l'époque, ils vendaient quasiment plus de 500 Plus, mais mes parents s'étaient saignés pour arriver à le trouver et m'offrir ce cadeau à Noël. Ils avaient galéré pour avoir 500, pas 500 Plus, avec un écran 1094S. Je crois que c'était 3700 francs à peu près à l'époque. Voilà, donc j'oublierai jamais ce Noël-là. Ce fut mon plus beau Noël d'enfant. Voilà. Donc l'Amiga a marqué aussi mon Noël. Mes Noëls. Cette époque-là, même si je programmais des gens basiques à l'école, en primaire, sur TO7MO5, pour créer des jeux, et que j'étais aussi sur la 1080 et Laser 200, j'avais pas d'argent pour m'acheter des bouquins pour apprendre l'assembleur sur Amiga. Il n'y avait pas Internet et tout. Donc j'étais un petit peu frustré à cette époque-là de ne pas pouvoir faire des jeux sur Amiga, parce que ce qui me kiffait, c'était vraiment de créer, de faire quelque chose à moi. Bon, je faisais mes musiques sans tracker, mais voilà, ça s'arrêtait là. Donc j'ai fini par le Jaffa Basic, où j'ai développé mon premier jeu Amiga, Mass Hunter. Je trouvais le Jaffa Basic horrible à programmer pour les jeux. Charger les images dans une banque mémoire, prêt à arriver à les afficher, c'était lent, c'était... Voilà. Donc voilà. Plus tard, une version Amos de ce jeu verra le jour, beaucoup plus jolie, avancée que celle du Jaffa Basic, dont j'ai perdu le code source. J'ai tellement de souvenirs agréables de toute cette période de ma jeunesse que je me sens chanceux d'avoir vu l'évolution de l'informatique ludique depuis les premiers ordinateurs jusqu'à la 3D de maintenant, quoi. Même si cela suit parfois avec un peu de frustration à l'époque, vu à ma jeunesse, manque de finances, manque d'expérience à l'époque dans le développement échel. Voilà. Donc, pour l'historique, voilà ça. La deuxième question, terminer mon jeu Amiga préféré. Ah, alors je vais refaire un petit peu d'histoire, très courte cette fois. À l'époque, un ami d'enfance, Gilles, tu te reconnaîtras, hein, hésitait à acheter une Sega Mega Drive. Je l'ai convaincu d'acheter plutôt un Amiga 500 et il n'a pas été déçu. J'ai fait mon premier fan Amiga. Voilà. Il acheta alors Turrican, Metroid NES de l'Amiga, comme il me disait. On se faisait des compétitions pour savoir qui allait finir le jeu avec le meilleur score. D'ailleurs, on terminait généralement avec au moins 50, 60 vies à la fin. Merci Chris Beck pour tes musiques et Bluesmobile sans P, c'est excellent. Donc c'est probablement le jeu Amiga que j'ai terminé le plus de fois dans ma vie, et si je devais prendre un peu de temps pour terminer un jeu Amiga actuellement, avec une AE ou une Vampire, ce serait celui-là, je pense. Ouais. Voilà. J'ai toujours une compétition, c'est plus qu'une compétition pro de CD32 à porter pour ça. À l'heure actuelle, comment je vois l'Amiga et pour l'avenir? Actuellement, je suis plus sur l'Amiga classique. Je travaille à améliorer la MOS professionnelle François Lonnet pour lui permettre d'utiliser un peu la puissance de chaque type de configuration 68000, que ça soit le CS ou OCS qu'il fait déjà en natif, puis l'AGA que j'ai presque terminé, et les chips de SAGA pour les vampires maintenant. grâce à une carte vampire qui m'a été passée pour que je puisse travailler dessus. Là actuellement ça travaille doucement en début d'année parce que j'ai pas mal de projets qui tournent aussi en parallèle, plus ma recherche d'emploi. Donc du coup voilà, mais voilà, ça devrait avancer quand même. Une petite info, c'est que pour moi Monstro Unity c'est pas une finalité, c'est à dire que j'ai prévu d'autres choses pour plus tard, mais bon, pour l'instant j'en parle pas, juste j'ouvre l'idée et j'en dirai plus tard sur ce sujet là. Sinon en avant-première, est-ce qu'on peut dire ça, je sais pas, ouais, allez, pour ce podcast Batman, je pense que tu m'autoriseras, je referai peut-être mon retour sur Amigo S4 cette année, j'ai peut-être l'occasion de le faire. Mais seulement si j'arrive à acquérir une carte pas trop chère de type SAM460CR où je peux mettre une carte 3D Radeon compatible avec Warp 3D Nova. Car je me refuse à continuer le développement que j'avais commencé à l'époque de MiniGL, l'ancienne version, qui pour moi est devenue obsolète au vu de la nouvelle architecture et de la nouvelle couche logicielle qui permet de gérer les shaders et tout. Donc voilà, j'ai qu'une Red One à base de SAM 440 pour l'instant. Si j'arrive à avoir une SAM 460CR pas trop chère, donc l'appel est lancé, je pense que je reviendrai sur Amiga, sur OS 4, et que je reprendrai le projet, même si entre temps il a pas mal évolué, il est pas mal différent structurellement parlant de ce qui était avant. Donc voilà, c'est l'avenir nous dira. Du coup, l'Amiga, je le vis comment actuellement? Je le vis via l'émulation WinUAE pour développer la version AGA de la Monstro Unity, via une Vampire V4 Standalone pour développer la version Saga de ce dernier. La SAM 440 est un petit peu de côté parce que j'ai pas de développement dessus, et donc peut-être prochainement via une SAM 460R, qui sait, pour d'autres devs. Voilà, sur mon temps libre. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que tu nous avais proposé, Batman. Je pense avoir rempli le temps aussi, donc n'ayant pas plus à dire, je vais laisser la parole à toutes les autres personnes qui participent à ce podcast. Et je te remercie, je remercie tout le monde pour votre écoute. À bientôt. Salut Batman. Bah écoute, merci encore une fois de nous proposer cette opportunité très sympa de laisser un message à la communauté Amiga française. Je suis installé dans un square au soleil, bon, entre deux boulevards, donc on doit entendre un peu des motos en arrière-plan. Comment ça a commencé avec l'Amiga ? En fait, c'est assez simple. Comme beaucoup d'entre nous, ça a commencé avec un autre ordi, en fait. Ma mère, qui était assistante sociale, je dois lui rendre grâce. Elle a claqué l'intégralité de sa prime d'une année pour m'acheter un Amstrad. Donc, elle est allée à Mont-Laure, pas très loin de Montpellier, pour m'acheter un Amstrad. Elle a ramené ça et après, c'était foutu. Le virus était dedans et j'étais complètement parti dans l'informatique. Ce qui me semble évident, c'est que parmi les gens que je connais qui sont des créatifs, alors créatifs, c'est au sens large, graphiste, vidéaste, musicien, codeur, il y a quand même énormément de gens qui sont effectivement passés par cette machine-là. Pas que, mais ça a été quand même l'étincelle pour beaucoup d'entre nous. Je pense à un copain d'enfance, bah, avec qui j'ai découvert l'Amiga parce que son père était vidéaste, et donc il avait acheté, enfin son studio, sa boîte avait acheté des Amiga, et puis du coup il en avait ramené un à la maison, et ça a été le flash, quoi. Et puis, bah, lui il est devenu musicien, alors musicien professionnel. D'ailleurs, si les auditeurs Amiga Impact ont envie d'écouter ce qu'il fait, il faut qu'ils aillent voir l'album de Afro Rockers. C'est de l'afrobeat, c'est-à-dire un mélange de rock et de musique africaine. Donc lui, voilà, il a commencé à faire de la musique avec Soundtracker. Il avait récupéré un jour, on allait acheter un jeu à Coconut, boutique informatique à Montpellier, de la Galerie du Triangle. Et par une espèce de marchandage un peu bizarre, le vendeur de Coconut lui a proposé de lui copier Soundtracker sur des disquettes vierges. Donc mon pote a commencé à faire de la musique comme ça, en fait, à partir d'un Soundtracker pirate récupéré dans une boutique Coconut. La Galerie du Triangle, c'était un peu l'épicentre de la micro-informatique de l'Amiga à Montpellier. J'ai découvert l'autre jour que cette galerie avait été immortalisée dans le storytelling d'Ubisoft, qui raconte l'histoire de Ubisoft Montpellier, et que les créateurs en fait de Rayman s'étaient rencontrés à la Galerie du Triangle où ils zonnaient, tout ça, où moi je zonnais aussi quand j'étais gamin. Voilà pour l'étincelle initiale. Bon, après j'ai pu toucher à l'Amiga pendant pas mal d'années, et j'y suis revenu en 2014, quand j'ai recommencé à faire de la démo et à aller dans des démos parties. J'avais fait un peu le tour de la question sur PC. Faire des démos PC, des grosses prods et tout, c'était sympa, mais c'était quand même beaucoup de boulot, et puis j'avais envie de me remettre au C, et donc l'Amiga, ça a été l'occasion de me remettre à des outils beaucoup plus simples, comme le compilateur SAS-C, qui est quand même assez simple à utiliser. Et donc je m'y suis remis comme ça. J'ai commencé par faire des petites démos, et ensuite, autour de 2015-2016, j'ai contacté Eric Safar, travaillait à l'époque sur la version Amstrad d'Atanor 2. Et donc on a commencé par échanger un peu comme ça sur son projet, parce que je trouvais que son projet était intéressant. Puis quand il m'a expliqué qu'il prévoyait de faire des versions Atari et Amiga, tout de suite je me suis positionné, j'ai dit ah, attends, moi si tu veux je te programme la version Amiga. Et donc sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, je me suis proposé pour développer ce jeu et donc j'ai commencé à le développer. Alors le code dans le repository Git, là j'ai regardé, le code commence à vraiment démarrer autour de 2018. On est en début 2021, je vous laisse faire le calcul. Et alors la grosse erreur que j'ai fait, c'est que tout mon code en fait est basé sur du code de démo. Dans une démo, tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux polluer la mémoire, tu peux faire toutes les pires saloperies. C'est pas très grave parce que la démo tourne qu'une fois. Au pire, à la fin, tu redémarres la machine et puis voilà, t'as effacé toutes les traces compromettantes de mauvaise utilisation des ressources, quoi. Sauf que dans un jeu, c'est pas du tout la même chose. Un jeu, il est censé tourner toute la journée. Et si ça se trouve, le mec, en plus, c'est un jeu d'aventure. Donc le mec, enfin le joueur, pardon, va galérer, faire des allers-retours dans tous les sens. Et bah là, c'est le jeu est quasiment terminé, la programmation. L'adaptation de la version Atari est faite, là. Mais il reste la consommation, la gestion de la mémoire. C'est vraiment le dernier point critique sur lequel je me bagarre. Mais voilà, donc je veux pas trop annoncer de date, mais avec Eric, on fait le maximum pour que la version Amiga d'Atanor 2 soit disponible le plus rapidement possible. Là, Eric se cogne courageusement les tests de toutes les versions que je lui envoie. Et moi, je débug. Je trouve des bugs, je les corrige, je retrouve d'autres bugs, je les recorrige, etc. Voilà, quoi. Donc, j'espère que les Amigaïstes apprécieront le jeu. Pour lequel on a quand même apporté beaucoup d'efforts. Belle musique, il y a vraiment un beau travail qui a été fait par David Van Denstein sur la musique. Un super travail sur le graph fait par Vincent Jambu, qui est un collègue avec qui je bosse de temps en temps dans ma vie professionnelle, qui est un très très bon illustrateur et qui s'est cogné deux tiers des illustrations à partir de tout ce qui avait été fait à la base, tous les concepts art, qui avait été fait par un ancien collègue de Eric Safar qui s'appelle Angel Bautista et qui était concept artiste à la grande époque de Cryo. Et donc voilà, ça fait quand même une sacrée équipe, on est 4-5 là autour de ce projet. Et donc c'est toujours l'éclat de bosser sur des projets Amiga. C'est une espèce d'environnement assez simple, avec des règles assez simples, et ça permet voilà d'aller à l'essentiel de ce que c'est qu'un jeu vidéo, tout en ayant la possibilité de nous proposer un jeu auquel les gens vont vraiment jouer. Là je commence à regarder un peu des long plays ou des Twitch de gens qui testent la version ST, et c'est vraiment vraiment super marrant. Les voir jouer. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en voyant un mec jouer à la version ST, j'ai repéré que moi j'avais fait des conneries au niveau ergonomie sur la version Amiga que j'ai corrigé entre temps. Ouais, tout ça, c'est une communauté qui est très vivante, qui est vraiment très sympa. Voilà, donc j'en profite pour remercier un peu tous les gens de la communauté Amiga avec qui on a l'occasion d'échanger, que ce soit en France ou à l'étranger. Enfin voilà, il y a vraiment une communauté très sympa. Et encore merci à toi, Batman, de continuer à faire vivre cette communauté et à bientôt! Bien le bonjour, messire Batounet. Donc, excuse-moi pour cette privauté, mais vu que nous sommes quasiment voisins, je commence cette confession comme un vrai franc-comtois du Moyen-Âge. Non, mais je déconne, hein. Bon, numéro 100 au podcast d'Amiga Impact. Donc, je m'appelle Arnaud Danassier, je suis né fin 71 du côté de Vesoul, dans le nord de la Franche-Comté, au nord-est de la France. La plupart des gens me connaissent sous le pseudonyme de Dan ou Big Dan. En fait, lorsque j'ai fait mes premières armes sur IRC, armée de mon magazine A-News, j'ai bêtement utilisé ce pseudo de Dan ou Big Dan et il m'est resté. Donc à l'époque, je sévissais sur Artbass, le canal Amiga historique lancé par l'Ours qui éditait le magazine RAM, pour ceux qui se souviennent. Donc je l'utilisais déjà avant sur quelques BBS, mais vu le prix des communications téléphoniques à l'époque, tu réfléchissais deux fois à te connecter, surtout sur un BBS à l'international lorsque tu étais étudiant sans le sou. Hein. Donc à l'époque, je bavais déjà sur l'Amiga 1000 lorsque je lisais les tests dans Hebdogiciel, Micronews. Donc c'était la fameuse grande époque de la guéguerre Doc Amiga versus Prof ST ou dans Amiga News. Donc j'économisais pour m'acheter un Amiga 500 depuis fin 89, début 90. Mais en fait, j'ai seulement pu réunir la somme nécessaire fin 91. Et du coup, mon premier Amiga a été un Amiga 500+, qui venait tout juste de sortir. Donc je me souviens d'avoir joué pas mal avec la synthèse vocale du Warbench 204, la fameuse commande C, et d'avoir bricolé un peu d'Arex un soir de Noël. Donc depuis cette première machine Commodore Amiga, je suis un fan inconditionnel du hard, et du système d'exploitation, parce que le Workbench était vraiment bien conçu pour l'époque. Donc, il y a quelques années, j'ai possédé jusqu'à 17 Amiga différents. Et depuis, j'ai réduit un petit peu la voilure, hein, parce que ça prend un petit peu de place, effectivement. Donc, contrairement à la grande masse des utilisateurs d'Amiga, ce qui me bottait, c'était pas uniquement les jeux, mais moi, c'était toutes les applications qui m'ouvraient des mondes inconnus. Je pense par exemple avec nostalgie à mes premiers essais sous Deluxe Paint, Personal Paint, Image FX, Pro Tracker. J'avais bricolé un petit peu de basique sur ZX80 et autres Thomson TO7, mais c'est avec l'Amiga que j'ai commencé à développer de vrais programmes en AMOS, en Blitz Basic, en AREX, un chouïa en C et même avec le langage E. Bien avant la généralisation d'Internet, donc je participais de temps à autre, hein, pour le fun, à des magazines Amiga papier ou sur disquette, comme Dom Pubanco, The Fun Flash Cool 2, Amiga Z ou Obligement. Oui, avant d'être un site web, Obligement était un magazine sur disquette qui tournait sous Scala. DAF doit avoir ça dans ses archives. Donc au fil des ans, j'ai continué à écrire par exemple dans le Virus Informatique, Amiga Power ou plus récemment pour Amiga Futur avec des articles en anglais, hein, parce que moi l'allemand c'est pas trop mon truc. Donc mes premiers contacts avec l'internet remontent à 92-93. À l'époque j'étais étudiant dans un IUT à Besançon. Donc je me souviens que toutes les semaines, je montais la colline lestée de mon disque dur IDE de 540 mégas, qui coûtait une fortune à l'époque, hein, pour aller jusqu'au centre de calcul à la fac de sciences où je pouvais accéder gratuitement à des sites FTP comme Aminet, qui commençait tout juste en fait à émerger, et repartir le disque dur plein d'archives et LHA à tester le week-end sur mon Amiga 500. Donc j'ai découvert, à ce moment-là, je me suis intéressé à la démoscène avec ce premier 500+. Et en fait, 30 ans plus tard, je m'intéresse toujours à la démoscène, aux nouvelles techniques ou aux productions qui sortent. Donc certains ont pu me croiser un peu partout en France ou à l'étranger, dans des démo parties ou Amiga parties. Au début des années 2000, j'ai même organisé avec les copains de la sauce Net Generation plusieurs Zukonx parties sur Vesoul. J'ai aussi distribué, il y a quelques années, l'excellent DVD Mind Candy 2, démo Amiga. D'ailleurs, l'ISO est dispo en téléchargement sur scène.org, si ça en intéresse certains. Et j'ai distribué également le magazine anglais Total Amiga pour la France. Bref, je donnais mon coup de pouce comme je pouvais. J'ai rencontré les joyeux de riz des Purlemers qui œuvraient sur la Franche-Comté, hein, puisqu'on n'était pas des milliers d'amigaïstes à l'époque. Hein, donc c'est là que j'ai croisé Batman, les jumeaux Slowman, Vic Edwins, Getchi, Noor, Maïda Fonk, Kess, Migazix et autres. Donc les plus productifs, ce qui n'est pas mon cas, ont même pondu des démos et des modules qui ont été récompensés. Hein, je pense notamment aux alchimies. Bon, apparemment, Batman veut savoir ce que je fais encore avec un Amiga en 2021. Eh ben, c'est assez simple, hein, parce que après des journées au boulot sous Windows, j'utilise principalement donc mes Amiga pour jouer des modules sous Hippo Player, mater des démos, un petit peu pour jouer, mais c'est assez rare. Et accessoirement, je l'utilise souvent avec l'éditeur de texte Cygnused, pour dessiner ou faire de l'IRC, un truc de vieux croulant, comme diraient mes petits cousins. À côté, j'ai aussi deux Mac Mini et plusieurs Pegasos sous Morphos. Bref, pas mal de machines qui tournent sous AmigaOS ou Morphos. Donc sur 500+, je bricole un petit peu avec une carte Vampire 500, mais j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de tout explorer. En ce moment, je bricole un petit peu avec des Arduino et des ESP32. Mes maigres bases d'électronique se sont bien améliorées grâce au confinement. D'ailleurs, grâce à lui, après des années sans rien faire, je ne désespère pas de finir de vieux projets que j'avais mis de côté et que j'ai ressorti des cartons. Niveau matos Amiga, mon prochain achat programmé, c'est une carte HXC. Bref, 30 ans après, j'espère avoir gardé l'esprit « Only Amiga makes it possible », comme dit la chanson. Donc niveau jeu, je suis très classique, donc quand on parle jeu Amiga, moi je pense tout de suite à Prince of Persia, Lemmings ou ce bon vieux Bubble Bubble. Donc niveau démo, si j'avais une seule démo Amiga à recommander, pour moi ce serait Enigma du groupe Phenomena. A vous les studios, je rends l'antenne à Mr. Batman. Bonjour Amiga Impact et merci de m'avoir invité sur ce numéro 100 du podcast. Je m'appelle Christophe Boucourt, j'ai 48 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France. Pour raconter un petit peu mon parcours, j'ai commencé à m'intéresser aux démos sur un Amstrad CPC 6128. Je devais avoir 13 ans quand j'ai eu mon premier ordinateur, qui était donc un Amstrad. Très tôt, j'ai commencé à bidouiller avec OCPR Studio. Et à cette époque-là, je commençais déjà à regarder des démos, notamment d'un groupe qui s'appelait Logon System et un démo maker qui s'appelait FFS. J'ai participé à quelques graphismes sur, pour un fanzine, disquette, qui s'appelait Arcadia à l'époque. Un fanzine qui faisait 4 disquettes. Et forcément, je suis arrivé sur l'Amiga, sur lequel j'ai aussi commencé à toucher un petit peu à tout, notamment à Protracker, Deluxe Paint, et forcément, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la démo scène Amiga. Alors, on a commencé avec quelques potes, on a créé un petit groupe qui s'appelait Ecstasy. On a fait quelques démos, ça nous a permis d'apprendre un petit peu à utiliser des logiciels, à faire un peu de code, un peu de scrolling. Donc c'était plutôt sympa. Et c'était une époque où on échangeait pas mal, et on se réunissait le soir et le week-end avec ce groupe d'amis dans les Yvelines. Et ça finissait assez tard dans la nuit. Et après cette période, la vie a fait qu'on se fait tous un petit peu rattraper par certaines obligations comme le service militaire, le travail, pas les enfants, pas encore, mais à cette époque-là. Mais bon, voilà, j'ai décroché un petit peu. Et après, je me suis intéressé aussi, forcément, un petit peu comme tout le monde, au PC. Je me rappelle d'un PC que j'avais racheté à un pote, un 486 DX33 qui tournait sous Windows 95. Et je suis aussi forcément passé par la case démo scène sur PC. J'ai fait partie du groupe Move, qui était un groupe franco-belge. En tant que graphiste et designer, on a fait quelques prods assez intéressantes. Et forcément après, par manque de temps, j'ai encore abandonné un petit peu, mis de côté un petit peu la démo scène. Mais depuis quelques années, j'ai commencé à racheter des consoles, j'ai remis en route mon Amstrad et mon Amiga avec des GoTech qui permettent de charger des fichiers plus simples que les disquettes qui ne fonctionnent plus maintenant. Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'existait pas de livre sur la démo scène, que ce soit Amstrad, Atari, Amiga, quoique Atari, bon, je connaissais pas trop le domaine de l'Atari, mais voilà, je me suis toujours posé la question pourquoi il n'y avait pas de livre sur la démo scène. Donc j'ai décidé de proposer mon projet à certains éditeurs qui ont tous refusé. Pour différentes raisons, le projet n'était pas assez rentable. C'est peut-être pourquoi ce genre de livre n'existait pas. Suite à ces refus que j'ai eus, j'ai décidé de créer la société Édition 64K pour éditer le livre et lancer une campagne de financement participatif sur Ulule il y a un an ou deux. Malheureusement, le projet n'a pas été financé sur cette plateforme. Et j'avoue que suite à ça, j'ai laissé un petit peu tomber le projet. J'avais mis beaucoup d'énergie. J'avais besoin de faire une pause après avoir mis en place tout ça. Et 6 mois plus tard, j'ai repris le projet en essayant d'être un peu plus objectif. en sachant que le livre devait être en anglais, contrairement au projet initial qui était un livre en français. Et surtout aussi comporter des interviews de Senner, chose qui n'était pas présente sur le projet initial. J'ai revu aussi la maquette, je suis reparti de zéro et le projet a pris à peu près un peu moins de 2 ans pour arriver à terme. La campagne Indiegogo qui a été lancée par la suite a permis à ce que le livre puisse exister et être imprimé. En 13 jours, le livre était déjà financé sur une campagne de 20 jours. Donc voilà, je suis assez content d'avoir persévéré et d'être arrivé au bout de ce projet qui pour moi était un projet personnel parce que bon, je trouve que la scène Amiga était quand même a été pour certains et beaucoup une partie de leur vie. Donc voilà. Concernant après les futurs projets. Bah forcément, vu que c'est un volume 1, on va forcément sortir le volume 2, qui couvrira probablement la période Amiga sur 1994-1996 avec l'arrivée des démos de plus en plus importantes sur AGA et l'Amiga 1200 et potentiellement un volume 3 à voir si c'est intéressant au niveau des prods. Parce que j'avais un petit peu décroché les productions Amiga sur la fin des années 90, donc je regarderai s'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur un volume 3, mais j'ai d'autres projets aussi autour de la démo, autour des ordinateurs 8 bits, 16 bits comme l'Amstrad, le Commodore 64 et bien d'autres magazines, enfin et bien d'autres machine. Je voulais remercier Batman qui m'a contacté pour me proposer cette interview sur le podcast numéro 100 d'Amiga Impact et d'avoir également soutenu et de m'avoir aidé à promouvoir le projet du livre. Je l'avais contacté il y a quelques années et je sais qu'il a toujours été présent pour faire en sorte de communiquer sur le projet qui était le livre sur la démo scène. Donc je le remercie et je remercie aussi tous les backers du site Indiegogo qui ont permis à ce que on puisse financer tous les frais fixes pour éditer le livre, ce qui représente quand même pas mal d'argent lorsqu'on sort un livre, il faut trouver un imprimeur, il faut payer également tous les frais de transport. Donc ça représente pas mal d'argent que j'avais pas moi personnellement. Bon, voilà. Et ben merci à tous et puis j'espère à bientôt. Alors, si vous pensiez ne plus m'entendre du podcast, eh bien c'est loupé, puisque effectivement je vais prêter ma voix à Daf qui m'a envoyé son texte, et donc je vais le lire pour vous. J'ai hésité à mettre éventuellement une synthèse vocale ou quelque chose comme ça, mais je me suis dit qu'une synthèse vocale n'aurait pas l'intonation sensuelle aussi pertinente que moi. Donc du coup, je vais parler, je vais être la voix de Daf, mais pas seulement, vous verrez après. Ici Daf, bonjour à tous. Je tiens d'abord à féliciter Batman, merci, pour maintenir ce podcast d'une main de maître depuis des années. Et il a raison, ça fait des années. Me concernant, j'ai commencé mon aventure Amiga en 1987 chez un voisin qui possédait, non sans fierté, un Amiga 500. Étant enfant, ce fantastique ordinateur était trop cher pour moi, mais mon voisin m'a généreusement prêté un autre ordinateur, un Commodore 128, pendant quelques temps, sur lequel j'ai pu me familiariser avec l'informatique domestique. Il a bien de la chance, Daf. Moi, j'aurais bien voulu... C'est un des ordis qui me fait le plus de l'œil, le Commodore 128, avec le Commodore 64. Bref. Ce n'est qu'en 1991 que j'ai pu acquérir un premier Amiga 500. Et je n'ai jamais décroché depuis, avec l'acquisition d'un Amiga 1200, puis d'un Pegasus, puis de divers Mac PowerPC sous MorphOS. Et je ne suis jamais passé sur un autre système. Mon activité principale sur Amiga consiste à créer le magazine Obligement, et d'ailleurs on le remercie fortement. Je le fais actuellement depuis un Power Mac G4 sous MorphOS. Cela passe par diverses tâches comme la rédaction d'articles, la création d'images, la mise en page, la relecture, la traduction et la communication avec toutes les personnes qui y participent de près ou de loin. Obligement me prend l'essentiel de mon temps libre, je n'ai donc plus vraiment le temps de faire autre chose avec mes Amiga comme jouer par exemple. Alors que le jeu sur Amiga monopolisait mon énergie dans les années 90, il est devenu minoritaire au fil des années car je préfère créer quelque chose plutôt que de rester oisif devant un écran. Je travaille aussi sur la liste des jeux Amiga depuis 1991, ce qui en fait le projet le plus ancien encore en activité dans le monde Amiga. Mon jeu favori de tous les temps sur Amiga est Kick-Off 2, même si avec le temps, mon goût pour les jeux vidéo s'est davantage déplacé vers les jeux de stratégie. Et voilà, c'était le petit témoignage de Daf. Donc en musique de fond, vous devez entendre la musique de Desert Dream. Merci Daf. Et je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour à tous, je suis Pascal Visca, alias Descartes ou The Dying Soul. Voilà, je suis créateur pour le fun du groupe Facebook Amiga pour toujours and beyond. Je l'ai créé comme ça pour le fun, il n'y avait pas de groupe à l'époque Amiga français, du moins je le pensais. Bien sûr, j'ai vu par la suite Amiga France, mais bon. L'idée du groupe, c'était de réunir aussi bien les amateurs d'Amiga que les graphistes, musiciens, codeurs, demo makers de l'âge d'or et d'aujourd'hui. Et bon, j'ai réussi à faire venir quelques personnes sympathiques, voire célèbres, voire les deux. Voilà, que dire de plus ? Je touche un peu à tout. J'ai baigné dans l'Amiga étant petit. D'abord, j'ai commencé par un Amstrad CPC 6128 à disquette. Donc, au départ, j'étais un peu déçu de pas avoir le 464 comme mes cousins, tout coloré, tout joli, tout ça. Mais j'ai vite apprécié le chargement rapide des disquettes. Puis, mes cousins sont passés à l'Atari 500 à STE, et du coup, ben, nous sommes passés à l'Amiga 500. Amiga 500 qui nous a servi bien plus pour le jeu que pour le reste, un petit peu pour le graphisme sur Deluxe Paint. Mais voilà, beaucoup de jeux, j'avoue. Et ensuite, ça a été un peu le grand n'importe quoi, ça a été un peu le PC, les consoles, mais bon, cela devient moins intéressant pour notre histoire. L'idée aussi derrière cette création de groupe, c'est de faire de l'échange aussi bien d'idées, de souvenirs, de nostalgie, mais aussi de l'échange IRL, de se rencontrer. Une carte a été créée pour retrouver les membres aussi bien en France qu'en Europe que dans le monde. Voilà. Autre chose aussi, qu'est-ce que j'apporte à l'Amiga ? Non, Batman, tu me demandes ça. Bah, moi, je pense pas grand-chose au final. Hein, tout le monde m'appelle, enfin beaucoup m'appellent le Big Boss ou quoi, mais je fais que lancer un groupe et il est supporté par ses membres, c'est tout. Voilà, il y a un petit peu d'animation là-dedans, récupérer les données, enfin les nouvelles, tout ce qui se passe dans le monde de l'Amiga, le reporter dans le groupe, voilà, remuer un peu tout ça, animer, secouer un peu avec ma petite folie personnelle, secouer un peu tout ça, et puis voilà. Le tout, c'est qu'on se retrouve dans la bonne humeur, qu'on fasse aussi chacun évoluer nos machines, qu'on trouve déjà nos machines de cœur, et qu'on les monte, qu'on les répare, qu'on change les condos si besoin. Vaste hein. sujet, un peu problématique, mais voilà. Ça, on en parlera sur les groupes. Il y a aussi le Retrobyte aussi, on en a parlé en long, en large, en travers. Il y a les pour, il y a les contre. Personnellement, je serais plutôt contre. Limite, il vaudrait peut-être mieux une couche de belle peinture ressemblante qu'un coup de Retrobyte abrasif et destructeur quelque part finalement. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Ensuite, on peut aujourd'hui, comme avant, comme hier, faire évoluer nos machines Amiga. Voilà, tout ça, tout est. On parle sans cesse et en direct sur le groupe rapidement. C'est ça qui est la force des groupes sociaux actuels, de pouvoir en parler entre nous. Il y a aussi l'autre force, comme je vais en parler tout à l'heure, c'est retrouver nos développeurs, programmeurs, graphistes, artistes de l'époque, de l'Amiga. Discuter avec eux, demander des anecdotes qu'ils nous offrent volontiers, voir même ce qu'ils deviennent, leurs projets actuels. Certains sont même plus que fiers de voir qu'on pense encore à eux. Et ça, ça fait plaisir à tout le monde. Je dirais, je ne cacherai pas, moi le premier. C'est un peu mes stars, peut-être, enfin certainement nos stars. Donc voilà. C'est une chance, je dirais, exceptionnelle de pouvoir faire ça en dehors des salons rétro gaming ou autre. J'allais oublier mon jeu Amiga préféré, je citerai volontiers les Voyageurs du Temps, la French Touch, dans ce qu'elle a de plus beau. Alors, il vieillit très bien, somptueux graphisme, ça, j'étonne personne de Eric Chahi, notamment la façade d'intro, vraiment sublime. Ces musiques inoubliables de Jean Baudelot et bien sûr cette programmation aux petits oignons de Paul Cuisset. Patricia Cuisset, son épouse, a pas mal aussi travaillé dans l'ombre et a servi d'aide. Elle a beaucoup donné aussi au niveau du SAV. Les joueurs appelaient et ils tombaient sur Patricia aussi, notamment. C'est ça qui est rigolo. Donc très très beau jeu. Les mécanismes par contre je trouve qu'ils ont un petit peu vieilli, hein, un peu punitif. Mais bon, c'était l'époque un peu qui voulait ça aussi. Donc ça peut être facilement mon jeu Amiga préféré. Je me permets d'en citer un second, histoire d'équilibrer avec Turrican 2. Vraiment là aussi l'Amiga 500, vraiment. Il ne fallait pas une bête de course, un simple entre guillemets Amiga 500, la machine mythique hein, quand même de Commodore avec le C64. Donc ce jeu tournait du feu de Dieu sur Amiga 500. Tout était vraiment au top. Et elle pouvait, ce jeu pouvait donner un sacré coup de pied dans la fourmilière des jeux japonais sur console alors. Voilà, l'Amiga montrait vraiment ce qu'il avait dans le ventre à tout niveau. Beau jeu de plateforme avec un niveau shoot'em up qui n'a rien à envier à aucune console de l'époque. Vraiment très très bon jeu. Donc les Voyageurs du Temps et Turrican 2. Merci. À bientôt les amis. Hello Amigaïste, je te souhaite la bienvenue dans mon petit podcast personnel que l'ami Batman m'a gentiment proposé d'enregistrer. Merci à lui, c'est sympa. Le Batman susnommé voulait des infos sur les Amigaïstes, alors je te propose des petites histoires de l'Amiga à travers l'expérience que j'ai vécue dans la communauté Amiga. Alors je ne vais pas te révéler des secrets extraordinaires, mais je vais quand même te donner quelques petites infos sur l'histoire de l'Amiga dont personne n'a eu vent, ou encore que tout le monde a déjà oublié, c'est selon. Je suis plutôt connu pour avoir participé plus ou moins au développement d'Amiga OS 4, en tout cas autant que je pouvais, donc ça me semblait plutôt logique pour ce petit podcast de te parler du côté OS 4 de l'histoire de l'Amiga. Alors je te propose un voyage dans le temps pour revenir quelque part au début des années 2000. Donc c'est un moment où Alan Redhouse, PDG de la société Hightech, a commencé à fabriquer le premier ordinateur PowerPC pour Amiga OS. Et il nous présentait son petit bébé directement chez lui dans le sud de la France. Donc j'y suis allé avec 6 ou 7 autres Amigaïstes. C'était bien sympa, on a bien mangé, c'était vraiment très cool. Et par contre, côté Amiga One, alors faut imaginer un petit peu la scène. Imaginez une petite table basse rectangulaire avec au milieu une tour, un simple PC, une tour banale quoi. On aurait dit un bête PC. Et effectivement, la tour était même pas branchée. parce que bah, je suppose, je ne parle pas de plus bien, mais ça devait être un prototype du premier Amiga One SE, et donc on ne pouvait pas faire grand-chose avec, à part peut-être bloquer une porte pour éviter qu'elle claque. Du coup, c'était un peu étrange a posteriori, mais c'était plutôt sympa, parce que c'est quand même la toute première fois qu'on a vu une carte port PC fabriquée pour le monde de l'Amiga, et ça, c'est quand même plutôt fort. On peut, il me semble, remercier quand même Alan Redhouse pour ses efforts. Maintenant, je voulais te parler des tout débuts d'Amiga OS 4. Parce que j'ai commencé le bêta test il y a bien longtemps, et puis je me rappelle de moments forts de ce bêta test. Alors pour ça, je voulais quand même parler un petit peu de l'excitation qu'on peut avoir, nous, en tant qu'amigaïstes. Je pense que vous avez déjà ressenti ça quand vous avez allumé votre Amiga pour la première fois, quand tu as joué à tes premiers jeux sur l'Amiga, ou quand on a pu acheter nos premières cartes accélératrices, voilà, des choses comme ça. Bon, pour moi, en fait, l'Amiga, c'est un peu ça. C'est une excitation de tous les instants à chaque nouveauté qui sort. Et faut bien dire qu'à la fin de Commodore, il faut avouer quand même qu'on a perdu un petit peu ce sentiment, quoi. Tout est devenu un petit peu morose dans le monde de l'Amiga. Alors du coup, pour moi, OS 4, ça a été l'occasion de retrouver ces petits moments où on se dit « Waouh, c'est super, c'est génial !» Et donc, dans cette histoire d'OS 4, je vais te raconter des petits moments que les bêta-testeurs les plus anciens ont connus. Je ne sais plus dans quelle année c'était, hein, mais c'était un moment que j'ai trouvé sympa, c'est quand, au tout début du bêta-test, en fait, on n'avait que des outils. 3-4 outils, dont Media Toolbox, hein, c'est un des 3-4 premiers outils qui sont sortis pour OS 4. Enfin, sortis pour le bêta-test, hein, bien sûr. Par contre, ces outils-là étaient encore compilés pour 68000. Parce qu'à ce moment-là, ben, il n'y avait pas encore de noyau pour PC, le noyau exec, hein, le fameux kernel de l'Amiga. Comme c'est le cœur du système d'exploitation, comme exec n'était pas encore fait pour PowerPC, du coup on ne pouvait pas faire tourner de programme PowerPC. Autrement dit, ces petits outils déjà développés pour OS4, mais en 68000, eh bien, on les testait à l'intérieur d'Amiga OS 3.1 sur nos Amiga. Et un jour, on a reçu, tous les bêta-testeurs, on a reçu un mail de Thomas Frieden avec très peu d'informations et une pièce jointe dans ce mail qui était une copie d'écran. Et cet écran montrait un écran intuition vide, ou presque. En fait, on avait la barre de menu qui est tout en haut, la barre de menu qui agit quand on clique droit sur la souris. Et donc, dans cette barre de menu, il devait y avoir écrit Warp and Screen. Enfin, il y avait à peu près que ça, quoi. Donc, c'était rien du tout. Mais c'était quand même le premier écran qui s'ouvrait en PowerPC. Donc, voilà, c'était quand même dingue de voir ça pour la toute première fois, quoi. Et une semaine plus tard, à peu près, tous les bêta-testeurs ont reçu un nouveau mail de Thomas Frieden avec, cette fois, une pièce jointe plutôt intéressante parce que c'était le tout premier kernel PowerPC, donc qu'on pouvait du coup commencer à utiliser. Alors, on n'allait pas bien loin, hein. C'est un kernel vraiment très primitif, où on le chargeait avec une commande de U-boot, si je me rappelle bien, et dès le démarrage, on voyait des lignes de debug qui s'affichaient sur la sortie série de l'Amiga One. Ces lignes s'affichaient sur un Amiga qu'on avait branché en série connecté sur l'Amiga One, quoi. Et donc, c'est pareil, c'est pas grand chose, mais c'est les premiers battements de cœur de l'Amiga OS 4. Donc, c'était plutôt fort et vraiment sympa de vivre ces moments-là, quoi. Après, c'est quelques années plus tard, en 2006, Hightech a décidé de laisser tomber le marché Amiga. Parce que de mémoire, Alan Redhouse s'en était pris plein la figure, parce que des amigaïstes lui reprochaient plein de choses. Et bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et bah, c'était le seul fabricant d'ordinateurs pour la communauté Amiga OS. Donc, bah, c'était un sale coup pour la communauté, quoi, tout simplement. Et en ce ça, pratiquement à ce moment-là, j'avais des contacts avec Max Tretin, un développeur italien qui travaillait aussi sur S4. Comme je suis d'origine italienne, donc on discutait pas mal, c'est peut-être quelque chose qui nous a rapprochés, je sais pas. Mais voilà, il savait que j'allais en vacances à Bologne, dans le nord de l'Italie, et c'est là qu'il vit dans cette ville, dans laquelle il avait aussi un magasin Amiga. Donc il m'a tout naturellement proposé de passer le voir. Donc j'ai bien sûr accepté pour aller boire un coup. Et dans son magasin, donc, il m'a montré la carte d'évaluation du processeur AMCC 440. Donc en fait, un système on-chip, le 440. Cette carte mère représentait un petit peu comme autant de Red House, une carte mère pour un PC qui pourrait faire tourner Amiga OS 4, potentiellement. Et Max et ses deux collaborateurs m'ont dit en gros, ben voilà, donc on a cette carte d'évaluation, alors qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités. Soit on attend que quelqu'un fasse un nouvel ordinateur Amiga pour OS 4, soit on le fait nous. Donc qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Alors là, c'est étonnant, mais bon, c'était une idée plutôt séduisante, hein, bien sûr. Et comme je suis quelqu'un qui préfère se bouger l'Amiga pour plutôt que de rester les bras croisés, j'ai fait quelques petites choses, ben, un concours, hein, des petites choses comme ça. Donc je lui ai dit, ben, ok, allez, je signe où? Et comme ça, en fait, j'ai participé à la création d'Equip Systems en plaçant une certaine somme d'argent que on peut dire que j'ai perdu, mais voilà, c'est que peu importe, j'en sais rien en fait, à la limite. Mais en tout cas, c'était nécessaire. À ce moment-là, la communauté en avait besoin. Donc, ça me semblait tout naturel finalement de poursuivre ma passion là-dedans et de participer à l'aventure. Alors là, tu te dis, ah quoi, mais on savait pas, t'as rien dit. Bah oui, en fait, je sais pas, j'étais jeune et j'ai réagi bizarrement, on va dire. On va comprendre, c'est comme ça, quoi. Et puis les années sont passées, et puis voilà, ça ne servait plus à rien de parler de tout ça. À part, bien sûr, pour ce podcast magnifique de l'ami Batman. Après cet petit début, on va dire, d'Acube Systems, il a fallu trouver aussi un nom à la première carte fabriquée par la société. Donc on a fait un brainstorming. Cette carte d'évaluation avait pour nom de code Yosemite, du nom du parc national américain. Et le nom Yosemite m'a tout de suite fait penser à Yosemite Sam, qui est le personnage des dessins animés Looney Tunes. C'est en français Sam le pirate. Et du coup, bah, ce Yosemite Sam, ça m'a fait penser au prénom Sam, enfin cette contraction, on va dire, du prénom féminin Samantha. Et comme sur Amiga, bah, on a eu l'habitude d'utiliser plusieurs noms féminins, notamment pour les puces qui sont dans la machine, ben ça me semblait un nom tout trouvé. En plus, un nom court, facile à se mémoriser. Donc voilà, ça me semblait logique de garder ce nom, et donc c'est celui qui a été utilisé pour les cartes SAM. Voilà, donc quelques petites histoires qui peuvent en dire plus sur moi et sur mon expérience amigaïste. Alors effectivement, c'était pas tout rose, tout facile tout le temps, hein, mais bon, c'était fun. Et c'est ce qu'on aime sur Amiga, cette petite excitation qui nous fait vibrer, de foncer tête baissée dans un nouveau projet. Et voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je retire de l'Amiga. Du coup, je voulais simplement dire, bah, continuer à faire vivre ce système. C'est cette façon différente de voir l'informatique que les autres nous envient. D'ailleurs, il y a par exemple Microsoft qui nous a piqué l'idée des bibliothèques dynamiques ou du répertoire fonte dans lesquels on place les polices de caractère. Voilà, donc l'Amiga, ça a été souvent le premier dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est grâce aux Amigaïstes, c'est grâce à leur passion. Alors, n'arrêtez jamais. Longue vie et prospérité Amigaïste à vous tous. Salut à vous, auditeurs et auditrices d'Amiga Impact, c'est Grims. Eh bien, je voulais souhaiter un bon anniversaire au podcast d'Amiga Impact qui souffle sa 100e bougie déjà. Un gros merci aussi à Batman pour tout le travail et tout le temps qu'il consacre à l'Amiga. Donc voilà, moi je suis Glems, donc j'ai créé ma boîte qui s'appelle Boeing Attitude et qui fait entre autres du développement en fait pour Amiga, surtout Amiga OS 4 et MorphOS, donc les Amiga de nouvelle génération. Voilà, vous pouvez vous connaissez sans doute quelques-unes de mes applis qui se terminent par MeUp, comme Dear MeUp, un Explorer ou Word MeUp, mon premier jeu. Voilà, l'Amiga, bah, j'ai connu, ça commence à dater bien sûr, c'était en 1988, et donc mon premier Amiga était un Amiga 500 avec une extension de 1 méga de mémoire. Et la première fois que je l'ai lancé, le premier jeu que j'ai lancé, c'était Prince of Persia, et là c'était la grosse claque, tant au niveau graphisme qu'au niveau sonore. Il faut dire que jusqu'à présent, en fait, j'avais surtout vu des MO5, TO7 et CPC. Et moi-même, j'avais un CPC 464 à cassette. Donc voilà, l'Amiga, du coup, est rentré dans ma vie il y a un petit bout de temps maintenant et ne m'a jamais quitté. Ensuite, après l'Amiga 500, j'ai eu un 1200 avec une carte Blizzard 68030. Et puis ensuite, j'ai réussi à récupérer une Amiga CD32 que je n'ai plus actuellement. Et donc voilà, aujourd'hui, en fait, j'ai un 1200 qui m'a été donné par Screech, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc un gros calibre parce que c'est un 1200 avec une carte 60 dedans et une carte Pixel 64 en tant que carte graphique. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir enfin porter certaines de mes applications sur Amiga dit classique. Bon voilà, après il faut du temps, donc c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour, mais bon voilà, je garde cet objectif. Au départ, du coup, j'utilisais beaucoup l'Amiga pour jouer, hein, principalement. Lemmings, Skinbarks, Croisière pour un cadavre, Stone Car Racer, et plein d'autres. Et puis petit à petit, en fait, je me suis mis à la programmation, en commençant d'abord par Amos, puis après j'ai acheté Amos Pro. Et puis, petit à petit, j'ai fini par faire du C. Et donc je dirais que j'ai commencé réellement à développer de façon un peu plus sérieuse au début des années 2000. Et donc voilà. Donc actuellement au niveau de mes machines, donc j'ai l'Amiga 1200 dont je vous parlais. J'ai également donc une The Red One avec un processeur SAM, un Amiga XE. Un Amiga One X et un Mac Mini en fait avec MorphOS dessus. Donc, ma machine principale c'est la The Red One avec Amiga OS 4 dessus. Donc je l'utilise tous les jours, notamment pour gérer tout ce qui est mail. Je gère également mes comptes en ligne via le logiciel Odyssey. Je joue notamment à Blast Away, Candy Crisis, The Secret of Middle City. Je fais également de la rédaction de documents, des backups, des sauvegardes. J'utilise d'ailleurs pas mal DearMeUp pour ça. Et puis, bien sûr, je fais tout ce qui est programmation Amiga OS 4 en fait sur ma The Red One. Donc, j'utilise le compilateur GCC associé au SDK livré par Hyperion et l'équipe d'Amiga OS 4. Et en éditeur de code, du coup, j'utilise Storm CED. Qui est sorti il y a quelques années par Alinea Computer. Donc voilà, c'est vrai que ce que j'aime bien dans la programmation, c'est déjà le fait de créer des choses et puis le fait de dépasser un peu ses limites, d'arriver à faire des choses qu'on ne se pensait pas possible de faire au départ. Donc mon jeu préféré, eh bien, c'est sans conteste The Settlers, donc le premier du nom, auquel j'ai joué énormément, je ne compte plus les heures. J'ai terminé, après plusieurs années d'efforts. Et voilà, donc j'ai testé d'ailleurs un peu les suites de The Settlers, Settlers 2, et puis certains autres plus récents, mais je préfère le premier, en fait, voilà, qui est plus brut, plus synthétique, je trouve. Et donc, je me suis mis à y rejouer à nouveau. Donc, je suis reparti du niveau 1 et voilà, c'est reparti pour un tour. On se lâche jamais, enfin, en tout cas moi. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère qu'on se verra bientôt de visu. Allez, bye bye. Je suis Guillaume de l'EDOC et Batman m'a gentiment demandé de participer au 100e podcast d'Amiga Impact. Et donc, je vais vous raconter un petit peu ce que je fabrique actuellement. Donc, je suis en micro-entreprise depuis 20 ans. J'habite du côté de Bordeaux et j'ai 47 ans. Je bosse dans l'informatique, je fais beaucoup de formations, un petit peu de dépannage et un petit peu de création de sites. Et d'ailleurs, sur mon site ledoc.fr, il y a des supports de cours pour mes étudiants. Et il y a aussi beaucoup de rétro, puisque c'est ma passion et je parle pas mal d'Amiga dans le site et sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ce podcast, je vais vous raconter une anecdote. Et c'est le moment où j'ai reçu mon Amiga 500 dans mon enfance. Donc, c'était quand j'avais 15 ans. Et on est fin des années 80. Je raconte un peu le contexte. Dans ma famille, on habite à la campagne. Y a mon père, ma mère, mon grand frère. On habite sur une colline. On a une belle vue. Mes parents ont retapé un corps de ferme. On est un peu isolé. Une des joies de ma vie, c'est l'informatique. C'est vrai que au collège et au lycée, je peux pas dire que c'est la bonne ambiance. Je suis un petit peu maladroit, un peu timide. Les seules choses qui m'apportent de la joie, c'est la nature et l'informatique. L'informatique, elle est arrivée par mon père, qui avait acheté un Texas Instruments, parce qu'il adorait les sciences, la technologie. Ce qu'il aime dans les micro-ordinateurs, c'est qu'on peut faire ses propres programmes. Donc avec mon frère, ils ont appris le basique, ensuite ils me l'ont appris, et c'était quelque chose de très créatif. On a enchaîné avec un Amstrad CPC plus tard, qu'on a tous adoré. Alors, mon père rêvait d'acheter un Atari 520ST, mais c'était trop cher, donc on s'est rabattu comme beaucoup de familles sur l'Amstrad CPC, qui était un très bon compromis. Et puis, ensuite, on a rêvé de l'Amiga. Alors, surtout moi et mon frère. On feuilletait les magazines Tilt, et là, on était éblouis par les graphismes de l'Amiga. T'avais des versions de jeux pour Amstrad et des versions de jeux pour l'Amiga, et les graphismes étaient à tomber par terre pour l'Amiga. Alors on voulait s'en payer un, mais c'était 5000 francs. Et puis, de mois en mois, le prix de l'Amiga baisse, et à un moment, il atteint les 3500 francs. Et donc moi je me souviens qu'on était en période de Noël, et je me suis dit, je vais économiser pour me payer un Amiga. Donc à Noël, j'étais très gâté, j'avais, de la part de mes grands-parents, 1000 francs. Et puis ensuite, c'est mon anniversaire, un mois plus tard, donc j'avais 1000 francs à nouveau, de la part de mes grands-parents, donc j'avais 2000 francs, au mois de février. Plus, j'avais économisé mon argent de poche 200 francs par mois, et donc j'avais mis dans une enveloppe 3000 francs à peu près au mois de mars. Et un jeudi soir, au mois de mars, je vais voir mon père dans son bureau et je lui dis « Regarde cette pub sur Ami le Pro, ils vendent un Amiga 500 pour 3390 francs. Alors il me manque les 390 francs, est-ce que tu peux m'en faire cadeau ?» Alors mon père, qui était hyper gentil, il me dit « Mais oui, bien sûr mon fiston. » Et je le vois découper le petit formulaire dans la pub Ami le Pro, il fait un chèque et il met ça dans une enveloppe. Le lendemain, on est vendredi, je pars à l'école avec mon père et à 7h30 du matin, dans la nuit, il s'arrête à mi-course dans un petit relais de gare parce qu'il y a une boîte aux lettres. Et cette boîte aux lettres, on sait que c'est là où le courrier part vite. Et donc c'est moi qui suis toujours chargé de descendre et de poster les courriers, je mets les enveloppes. Et quand je reviens dans la voiture, papa me dit « Il y en a une pour Ami le Pro, c'est pour ton Amiga. » Inutile de vous dire que pendant tout le vendredi, j'y ai pensé. J'ai pensé à l'école, à mon Amiga, j'y ai pensé le soir en rentrant. Et le samedi, je vais discuter avec papa et je lui dis « Est-ce que tu crois que l'enveloppe a atteint Paris ce samedi ?» Alors il me dit « C'est possible parce que là, ton enveloppe, elle a dû faire le trajet tout le vendredi, donc c'est possible qu'elle atteigne Paris en une journée. » Et je lui dis « Tu crois qu'ils ont traité ma commande aujourd'hui ?» Elle me dit « Non, je pense pas, mais lundi, ils vont peut-être la traiter. » Alors, j'ai dit « Tu crois que je peux recevoir l'Amiga mercredi ?» Il me dit « Bon, là, t'es bien optimiste, mais c'est possible, mais je pense plutôt que tu le recevras peut-être en fin de semaine plutôt. » Mercredi arrive, et je travaille au lycée le mercredi matin, et le mercredi après-midi, on est à la maison, et donc maman, à midi, elle me ramène à la maison. Sur le trajet du retour, je ne pense qu'à une seule chose, c'est que peut-être un transporteur a laissé un colis dans la grange. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'à la campagne, si on n'est pas là, ils vont évidemment déposer le colis et pas trop à la vue des voisins, donc ils le planquent dans la grange, comme ça c'est abrité. Et donc on descend de voiture, je me rue à la grange et je vois pas de colis. Donc je suis un peu déçu, déjeune avec maman. Et puis, je suis un peu triste, donc maman me dit « Mais pourquoi t'es triste ?» Et donc je lui raconte que je me suis payé un ordinateur et que j'espérais qu'il soit livré aujourd'hui. Alors maman me dit « Mais t'es bien optimiste, hein ?» Puis alors ma mère, elle aime pas trop ça, les ordinateurs. Elle trouve qu'on passe trop de temps, moi et mon frère, dessus. Donc ça l'emballe pas trop, tout ça. Puis elle me dit « Mais vraiment, une enveloppe envoyée jeudi, ça n'arrive pas comme ça. Le mercredi, c'est trop rapide, quoi. Tu t'es fait des illusions. » Et puis maman s'absente pour le reste de l'après-midi et je suis seul à la maison. Je monte un peu dépité dans ma chambre. Et dans ma chambre, je peux vous dire que j'ai préparé tout l'espace pour l'Amiga. Alors, l'Amstrad CPC que j'avais à dégager, il y a son écran. Sous l'écran, on a le tuner que beaucoup ont eu, le tuner télévision, qui a une prise Péritel, parce que j'ai vu que l'Amiga allait être livrée avec la prise Péritel. Et puis, j'ai bricolé un tourne-disque des années 60 que m'a donné ma grand-mère, sur lequel j'ai fait une entrée avec des cinches. Donc, je commençais déjà à manier le fer à souder, prêt pour amplifier le bon son de l'Amiga, parce que j'ai lu dans les magazines que l'Amiga a un son qui est extraordinaire. Donc, j'ai tout et j'ai une table vide, prête à recevoir l'Amiga. Voilà, j'ai mon écran, mon ampli. Alors, tout d'un coup, je pense à un truc. Je me dis, mais les transporteurs, parfois, ils arrivent le mercredi après-midi. Jusqu'à 16h, ils peuvent arriver. Donc, si ça se trouve, le transporteur va venir. Et donc, je vais marcher dans la campagne, je vais au bout du chemin de ma maison. Et je regarde la route en haut de la colline. Et je me dis, peut-être que là, il y aurait un transporteur qui pourrait venir. Et s'il arrive, je sais que c'est par là. Je m'assois dans l'herbe. On est mois de mars, il fait beau, c'est le début du printemps. Et tout d'un coup, j'entends un bruit de véhicule. C'est pas une voiture, c'est un bruit de gros moteur de camion. Et puis je vois en haut de la colline arriver un fourgon blanc, typique transporteur. Je le vois descendre la colline. Il y a un petit chemin qui mène chez le voisin. Il s'arrête pas, il continue. Il s'arrête devant moi, descend le pare-brise, et il me dit « J'ai une livraison pour Monsieur Guitoni. » Je dis « Oui, c'est moi !» Je vois le fourgon entrer sur notre chemin, je le suis, le monsieur descend, ouvre les portes arrière de son fourgon et me tend un grand colis rectangulaire, lourd. Je lui dis « C'est mon ordinateur !» Le mec s'en fout, on comprend pourquoi, et il me fait signer un papier, il repart, et là, je me retrouve avec ce grand colis dans mes bras. Je me souviens que je me suis roulé de bonheur dans la pelouse avec mon colis. J'avais toute l'après-midi pour découvrir mon Amiga 500. Je m'en souviens encore, la preuve, je vous en parle 30 ans plus tard. Allez, à bientôt, salut! Eh bien, merci à tous ceux qui ont déjà participé à ce podcast son numéro 1. Parce qu'il y aura une suite, hein, je vais vous le dire juste après. Donc par ordre d'apparition, on va dire, vous avez pu écouter Highlander sur la musique de Zool 2. Ensuite, c'était Amidark qui vous a mis, qui avait choisi comme musique, c'est une musique qu'il a fait lui-même, qui s'appelle Universe, dans laquelle vous entendez en fait des bruits célestes, capturés par la NASA, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, c'était Astrofra qui a oublié de se présenter. Ensuite c'était... Alors Astrofra n'avait pas mis de musique, donc je lui ai mis le tapis du podcast. Voilà. Donc quand je précise pas, c'est que le tapis, c'est le tapis du podcast. Ensuite on avait Big Dan avec la musique Elefunk, oui effectivement, de Moby. Ensuite c'était Christophe Boucourt, qui avait choisi Global Trash 3 de Jesper Kidd. Ensuite Daf, à qui j'ai prêté ma voix, qui avait choisi la musique Desert Dream. Desert Dream, la musique de Desert Dream. Ensuite, c'était Descartes, Pascal Visa, qui avait choisi la musique de HeroQuest. Ensuite, notre ami Elwood, avec encore une musique de Moby, comme notre ami Big Dan. Donc lui, il avait choisi Knulakuk, je suis pas sûr de très bien prononcer, mais Knulakuk. Ensuite, c'était Glems, qui avait choisi la musique du World of Commodore 92 de Sanity. Ensuite, Guillaume, de Lidoc, lui avait choisi une musique qui s'appelle Epic Space. Donc en fait, c'était issu d'une vidéo YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous annonce d'ores et déjà que pour l'épisode 2 et l'épisode 3 qui vont sortir sous peu prochainement, ça ne saurait tarder. Donc on devrait retrouver notre ami B-Word, parce qu'il y a eu un petit souci technique. Ah oui, alors, je voulais juste vous préciser, en fait j'ai cherché longtemps comment, dans quel ordre mettre les gens. Alors je me suis dit, soit je les mets par ordre, j'essaie de trouver quelque chose, une thématique. Et en fait, finalement, je vous avoue qu'à force de me creuser la tête, je me suis dit, je vais les mettre par ordre alphabétique. Sauf que l'intro d'Highlander me plaisait tellement pour la mettre en intro que je l'ai mis en intro. Et puis, l'outro, on va dire, qui va arriver, là, c'est Checo. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en dernier, voilà. Enfin, je l'ai mis dans ce podcast-là et qu'il n'est pas par ordre alphabétique. Et donc, B-Word, lui aussi, comme Ace, vont arriver un peu plus tard parce qu'il y a eu des petits soucis techniques, mais vous comprendrez plus tard. Donc, dans le prochain ou les prochains podcasts, vous pourrez entendre B-Word. Vous pourrez entendre donc Jibam, sans oublier Ace évidemment que j'ai déjà cité, mais aussi Alex Menchi qui aurait dû faire partie du podcast 100 numéro 1 par ordre alphabétique, sauf qu'en fait les fichiers je les avais pas sous le coude, donc mode feignant je suis pas allé les rechercher. Voilà. Jedi, K1200RS21, Nifo, Olric, Papiosaur, Roderick, Screech, et Tyrasseur, et sans oublier Tuco. Alors, pour Screech et Tuco, on verra peut-être que ça sera pas dans l'ordre alphabétique non plus, et vous comprendrez pourquoi quand vous comprendrez. Écoutez, je vais laisser la parole à Checo, et je vous dis encore une fois merci à tous. Je tenais également à faire un petit mot à nos revendeurs, je les ai invités à participer, mais ils sont bien charrettes au niveau temps, donc ils n'ont pas participé, mais le cœur y était. Donc je les remercie tout particulièrement, tous les trois. Donc merci à Micromiga, merci à Rolex et X-Ray, et merci à Media Computer. Voilà, c'est dommage que vous n'ayez pas pu participer, mais on pense bien fort à vous. Écoutez, je vais laisser la parole à Checo, et je vous dis, écoutez, normalement, à la semaine prochaine. Checo sur la ligne pour la 100e. N'ayant pas vraiment l'habitude de ce genre d'exercice, je vais me contenter de vous saluer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et comme Batman nous donne 5 minutes de temps, il sera musical. Je vous propose donc un grand classique, le thème principal de Shadow of the Beast. Bonne écoute et un de ces jours.